à tous et à toutes qui écoutez Radioactive, j'espère que vous allez très bien en cette fin d'après-midi de vendredi. Et nous on se retrouve pour un agenda du week-end. Et oui, encore un week-end bien chargé qui s'annonce en Touraine avec des événements en veux-tu, en voilà. Donc pas de quoi de s'ennuyer. On retrouve d'abord une flopée de festivals dans plein de domaines, avec notamment du cinéma à Langers pour la 4e édition du festival Tempête d'Histoire, qui se tiendra dans le cinéma de la ville et qui proposera de nombreuses projections, rencontres autour de films, reportages et de documentaires sur la thématique de l'histoire bien sûr, mais aussi plus spécifiquement cette année du sport et des Jeux Olympiques. Vous pourrez aussi échanger avec les différents réalisateurs, producteurs et distributeurs des films qui seront présents lors des séances. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la mairie de Langers. Toujours dans une dimension historique, mais à Amboise cette fois-ci, on retrouve la 2e édition du Festival médiéval de l'Île d'Or, ce samedi 25 mai. Ça débute à 10h et ça se poursuivra jusqu'à 18h. C'est organisé par l'association Les Lames Amboisiennes. Ce festival rassemble de nombreux passionnés de la période historique. Au programme, un marché d'artisans avec des animations, des démonstrations de combat, une installation de campement médiéval, etc., etc. De quoi satisfaire tous les férus d'histoire, mais aussi tous les curieux. Et l'entrée est gratuite, bien sûr. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des Lames Amboisiennes. Un autre festival bien connu se tient ce week-end, c'est bien sûr le Festival de la Rose qui se tient sur la commune de Chédigny. Cet événement annuel rassemble des dizaines d'exposants, comme des pépiniéristes, mais aussi des artistes peintres ou des musiciens. Et bien sûr, plein de roses seront à découvrir et à sentir. Un autre festival se tiendra à Tours ce week-end, mais dans un tout autre domaine. En effet, c'est l'heure pour une nouvelle édition de Vitiloire, le festival autour des vins de la Touraine qui rassemble plus de 150 exposants venus de toute la région qui seront présents tout le week-end de 10h à 19h. De quoi découvrir et déguster toute la diversité viticole régionale, mais toujours avec modération bien sûr. Encore ce week-end, les passionnés de tatouages et de piercings seront ravis puisque la première édition du Salon du Tatouage en Touraine se tient dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche au Grand Hall de la ville. Plus de 300 artistes tatoueurs venus de plusieurs pays seront présents. L'événement sera également enrichi d'un marché d'artisans et de nombreux fast-food qui seront présents pour vous régaler. Pour prendre vos places, rendez-vous sur la billetterie web du Tour Tattoo Show. Dans l'agenda de la semaine encore, aujourd'hui débute également sur la commune de Lussot-sur-Loire le UPSO Festival organisé par le Pôle 21. Au programme, un festival qui allie environnement, théâtre, musique mais aussi numérique. De nombreuses activités se tiendront donc aujourd'hui et demain avec des expositions photos mais aussi des stands de jeux, des rallyes nature pour les enfants, des stands de réparation de vélos ou encore des cours de cuisine. Il y a donc de quoi faire mais attention, il est nécessaire de s'inscrire pour certains de ces ateliers. Et samedi soir, vous retrouverez même un concert et un DJ set qui se tiendront dans les locaux du Pôle 21 et l'entrée y sera libre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Pôle 21 de Lussot-sur-Loire. Et dans l'agenda, comme je vous l'ai dit, on a plein de festivals et il y en a encore qui arrivent. Et oui, ce week-end se tient notamment la 22e édition de Chambrée en mai. Un festival entièrement gratuit qui s'intéresse cette année aux cultures du Sahara et qui accueille dans ce cadre la première édition du Festival international des cultures sahariennes, ou FICAS. On retrouvera donc des campements typiques du Sahara où l'on pourra découvrir des plats et de la musique traditionnelle ainsi que de nombreuses expositions et plein d'artistes. Et bien sûr, samedi après-midi, puis toute la soirée, de nombreuses prestations scéniques vont s'enchaîner avec des concerts de chorale, mais aussi de la danse et à 21h30, le concert de la chanteuse brésilienne Flavia Coelho. Et pour couronner le tout, la soirée se terminera par un beau feu d'artifice à l'hippodrome de Chambrée, où se tiennent les festivités. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site de la ville de Chambrée-les-Tours. Et finalement, dans l'agenda de ce week-end, samedi après-midi, on retrouve un autre événement, cette fois-ci tourné autour du livre. Et c'est Bibli en fête à Véretz, qui revient avec sa 14e édition sur le thème des Jeux Olympiques et de la mythologie grecque. Cet événement, organisé par la bibliothèque de la commune, comprend une après-midi de jeux et de lectures destinés au jeune public, suivi d'une prestation théâtrale autour du spectacle « Le mythologie » à l'Olympie. L'entrée est libre et gratuite, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et pour plus d'informations sur l'événement, vous pouvez contacter la bibliothèque de Véretz au 02 47 35 70 13. Voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro de l'agenda du week-end sur Radioactive. On espère que vous allez bien profiter, puis en plus il fait pas si moche ce week-end, donc plein de raisons de sortir. Et nous on vous dit à très vite, et en attendant on vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de nos programmes.